Quand on parle de la France est un pays otanien, il faut pas l'oublier. Je vais dire exactement ce que je disais pour le Mali et tout doucement ça s'est confirmé. Il faut pas oublier aussi que la France, quand elle a intégré l'Union européenne, elle avait dans son escarcelle le franc CFA qui soutient bien sûr l'euro et la francophonie et les 14 pays de la CEDEAO. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, il va y avoir forcément une réaction des pays de l'Union européenne et puis de l'OTAN aussi. Mais qu'est-ce qui va aider nos amis au Burkina? Il y a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. Le Tchad a signé des accords de défense avec l'Arabie saoudite. Afrique Média, le monde, c'est nous.